Juana, la fiancée mexicaine, par Louis Bousnard. Troisième partie, l'honneur du nom, chapitre premier. Juana, prisonnière d'Andrés, espérait que les propos de l'ancien mayoral n'étaient que des fanfaronnades. Aussi elle brava fièrement ses menaces, et tant qu'elle se crut seule en péril, ne se laissa point intimider. Mais dès qu'elle vit ses parents au pouvoir du misérable, elle comprit que le désastre était complet, que la lutte devenait impossible. Alors son énergie fléchit brusquement. Elle tomba inanimée entre les bras de la petite indienne, et sentant la ville abandonnée, murmura d'une voix éteinte « Je meurs. Cela vaut mieux peut-être. Adieu, tout ce que j'ai aimé. » Intrépide et vigoureuse, Flore l'étendit sur le lit grossier garni de fourrure et s'écria « Mon ami, ma sœur, ma belle rose blanche, non, tu ne mourras pas. Je suis là, moi. Je te sauverai. » Comme Andrés s'approchait pour l'aider, elle se dresse devant lui, farouche, superbe, en brandissant son couteau. « Va-t'en » lui crie-t-elle. « Mais va-t'en donc !» Il la regarde en pâlissant, et sa main d'instinct serre la crosse de son revolver. Il y a un moment de silence effrayant. D'un violent effort, il se ressaisit, hausse les épaules et sort lentement en grondant. « Serpent, je t'écraserai la tête !» Aujourd'hui, j'ai besoin de toi, mais patience. » Elle a un rire terrible qui crispe sur ses dents de jeune fauve, ses lèvres à l'incarnat violent et riposte. « Élan rapide, mon père te scalpera et frottera de piment rouge ton crâne dépouillé. » Elle reste enfin seule avec Juana. Élevée à cette rude école d'initiative qui s'appelle la vie au désert, elle ne perd pas la tête. Voyant son amie sans mouvement, la figure congestionnée, les yeux fixes, injectée, elle dit à voix basse « Tout le sang est au cerveau. Elle est bien mal. » Elle réfléchit un moment, le sourcil froncé, puis ajoute « Oui, la saigner, c'est le seul moyen. » L'Indienne a toujours son couteau. Elle en essaie le fil sur l'ongle de son pouce. Il coupe comme un rasoir. Elle s'approche de Juana, saisit le lobe inférieur de son oreille droite, et d'un seul coup l'incise légèrement de bas en haut, dans le sens de l'épaisseur. Séance tenante, elle renouvelle à l'oreille gauche, avec une habileté singulière, la petite opération. Et presque aussitôt, deux gouttes vermeilles, comme des rubis, viennent sourdre aux plaies, de simples lignes rosées. C'est la saignée indienne. Grave, un peu inquiète, Fleur de Sol regarde et s'étonne que l'hémorragie soit si peu abondante. Bientôt, près de s'alarmer sérieusement, elle murmure « Serait-il trop tard ? Est-ce que l'effroi, la douleur, l'aurait tuée ? Mais non, elle respire. Et puis je veux qu'elle vive. » Peu à peu, de nouvelles gouttes se succèdent, lentes à surgir des veines tuméfiées par la congestion, et la fillette, la gorge serrée, n'ose faire aucun mouvement. Ah, enfin ! Deux minces filets rutilent et s'épanchent jusque sur la couche où semble agoniser la malade. « Juana est sauvée !» s'écria Flore avec un accent de bonheur indicible. Pendant 10 minutes, elle laisse ainsi couler le sang, épiant avec une douloureuse inquiétude un retour à la vie, un regard d'intelligence dans ses grands yeux reflétant toujours un effroi mortel. Enfin, un long soupir s'exhale, avec une faible plainte, des lèvres de Juana. Le voile qui obscurcissait ses prunelles se déchire, elle reconnaît son amie. Elle fait une longue aspiration et balbutie d'une voix éteinte. « Flore, ma petite Flore, c'est toi ? Toi ? À qui je dois encore une fois la vie ? Moi, je suis folle de joie, mais reste en repos, ne dis rien. Tout à l'heure, nous causerons. » « Il n'est plus là, lui, le monstre ? Non, mais je t'en prie encore, ne parle pas, ne bouge pas. » On entend un galop précipité de chevaux, accompagné de bruits métalliques de mors et d'éperons. Il y a, entre deux rondins formant la muraille, un faible intervalle. Flore y colle ses yeux, regarde et s'écrie « Tiens !» Il part avec une dizaine d'hommes, des gredins comme lui. Puisse-t-il ne jamais reparaître ? Mais occupons-nous de toi. Commençons par arrêter ce sang qui coule toujours. Je ne comprends pas. Chut ! Sois une petite malade bien docile. Je t'ai saigné à l'indienne. Laisse-moi faire. » Elle fouille dans son sac à feu, en tire une poignée de duvet de fromager, étanche le sang, colloplaie deux pincées de fibrille et ajoute avec son bon rire « Demain, il n'y paraîtra plus. Pas même de cicatrice. » La soie de fromager, qui sert, comme l'on sait, aux peaux rouges pour allumer leur feu, est aussi un excellent hémostatique. À son contact, les plaies se ferment. Aussitôt, Juana éprouve ce bien-être qui suit les grandes crises et, obéissant à l'avis de la petite doctoresse indigène, demeure immobile, contraignant à l'inaction sa pensée elle-même. Peu à peu, une réaction salutaire s'opère et elle s'endort doucement. Pendant qu'elle goûte ce sommeil réparateur, la porte solidement verrouillée au dehors s'ouvre sans bruit. Un homme portant une vaste corbeille apparaît. D'un signe impérieux, Flore lui montre Juana qui repose. L'homme salue emphatiquement à la mexicaine, installe son fardeau sur la table et sort sans mot dire. La corbeille renforme deux gargoulettes pleines d'eau, des fruits, de la venaison froide et des galettes de maïs cuites sous la cendre. D'un rapide coup d'œil, Flore inventorie ses provisions et dit en aparté « Bon, voilà de quoi soutenir nos forces. Nous en aurons besoin avant peu, car il va nous falloir sortir d'ici. » Alors, sans même songer à s'accorder un moment de répit, elle va, vient dans le log house, cherche, tâtonne, furette dans tous les coins, espérant trouver un point faible. Elle laisse échapper l'exclamation indigène qu'elle bannit volontiers de son langage d'indienne à demi civilisé. Ah oh, voilà qui est bien. C'est par là que nous nous sauverons. À ce propos, une remarque s'impose, nécessitant une parenthèse qui sera très courte. Depuis une vingtaine d'années, les peaux rouges, naguère irréductibles, ont fait à la civilisation contemporaine des emprunts nombreux et importants. Aussi, leur existence en a été modifiée avec une rapidité inouïe. Chez eux, le langage, l'alimentation, l'armement, les coutumes, le vêtement, tout cela est aujourd'hui bouleversé de fond en comble. Ceux de l'autre génération, attachés aux coutumes séculaires, ont conservé le langage sentencieux et imagé des héros de Cooper et de Mayne Reid. Ils forment de vivants anachronismes avec leurs enfants qui s'habillent à l'européenne, portent des pantalons scalpés et parlent très bien le langage des civilisés, l'anglais aux États-Unis, l'espagnol au Mexique. Ces derniers n'emmènent pas moins la vie de pillage, de vol et d'assassinat. S'ils ont remplacé par la cigarette et la pipe en racine le calumet des ancêtres, ils ont gardé l'abominable coutume du scalp. Seulement, au lieu d'orner leur demeure avec ces hideux trophées, ils vendent, très cher du reste, à des collectionneurs, les chevelures auxquelles adhère encore la peau du crâne des victimes. Reprenons le récit. Après cette parenthèse, destinée à expliquer pourquoi Flore de Sol s'exprime avec facilité en bannissant de son langage ces vocables démodés conservés par son père et l'an rapide. Sans tarder, la vaillante indienne attaque avec son couteau le point d'attache de deux rondins fixés l'un à l'autre en queue d'aronde. Avec une patience et une vigueur inlassables, elle enlève, dans le sens du bois, de menus copeaux. Ne sachant comment s'en débarrasser, elle les cache sous le lit de Juana. Elle continue, pendant des heures et des heures, ce travail ingrat, et s'interrompt à la nuit. L'obscurité seule la contraint de s'arrêter. Dès l'aube, elle recommence, craignant à chaque instant le retour d'Andrés ou de leur pourvoyeur. Juana s'éveille enfin. Il fait grand jour. Elle ouvre les yeux, reconnaît son amie, regarde atterrer les robustes parois de la prison, et le souvenir lancinant de leur misère commune surgit dans son cerveau. « Flore, petite Flore, que fais-tu là ? » dit-elle avec un soupir. « Le trou par où nous allons nous enfuir ? » répond énergiquement l'Indienne. « Mais tu n'y penses pas. Et mon père, ma pauvre mère, qui sont là, prisonniers comme nous ? Notre évasion sera le signal de leur mort. Tu te trompes. Moi, je suis sûr qu'Andrés, loin de les tuer, s'en fera des otages pour te faire revenir. Tu le connais bien, pourtant. Oui, il est féroce, mais rusé. Son avantage, vois-tu, ma chérie, est de conserver tes parents vivants et en bonne santé. C'est par eux seuls qu'ils croient pouvoir te tenir. Une fois libres, nous nous sauverons jusqu'à la lagune aux crocodiles. Ce n'est pas loin. Là, nous retrouverons Elan Rapide avec nos guerriers. Ils t'adorent, tu sais. Pour toi et avec toi, ils attaqueront en masse le camp des maudits et de gré ou de force délivreront tes parents. Puisses-tu dire vrai ? Et en voulant faire le mieux, ne pas provoquer un malheur irréparable ? Tu veux bien tenter l'évasion, n'est-ce pas ? Oui, répond Juana dont l'énergie se réveille. Bien, mangeons et prenons des forces. Demain, le passage sera libre. La journée s'écoule et contre toute présomption, Andrés ne paraît pas. Le même individu, aux allures obséquieuses, arrive sur les midis, avec une seconde corbeille de provisions. Flore, qui l'a entendu venir, a le temps de dire à Juana « Couche-toi, fais semblant d'être malade. Il faut qu'on te croie très mal, pour écarter tout soupçon de fuite. » Le pourvoyeur parti, Juana, regardant les vivres, songe à ses parents et murmure tristement « Ont-ils à manger ?»« Mon Dieu, quand je pense qu'ils sont là tout près, criant peut-être de faim, l'horrible faim, et qu'il m'est impossible de les réconforter à force de tendresse, de partager avec eux jusqu'à ma dernière bouchée. » Mais l'Indienne, tenace dans sa conviction, répond avec sa pétulance coutumière « Non, non, ne crois pas cela. Andrés attendra tout au moins une nouvelle entrevue avec toi. Il voudra savoir si sa première menace t'a troublé. Oh, revoir ce monstre, cette pensée m'écœure et aussi m'épouvante. Il y a moyen de l'éviter. C'est de nous enfuir sans retard, à tout risque, en plein jour. Le trou est fini. Je puis déplacer deux rondins. Il y a largement de quoi passer l'une après l'autre. Tu es admirable. Mais non, je sais vouloir, et voilà tout. Dis-moi à présent, ma chérie, as-tu peur ? Non. As-tu de bonnes jambes ? À la hacienda, je luttais de vitesse avec les Indiens. Bon, tu cours comme moi. Et je ne suis pas pour rien la fille d'élan rapide. Tu sais, on nous tirera des coups de fusil. Nous détalerons en faisant des crochets, on nous manquera. Et si on nous poursuit à cheval, nous nous enfoncerons dans la montagne. Alors partons. Il me tarde à présent de délivrer mon père et ma mère. À la bonne heure, j'aime à te voir ainsi résolu. Je dégage un des rondins, j'allonge la tête, je regarde s'il n'y a rien de suspect aux alentours, je passe la première, tu me suis. Joignant l'acte à la parole, l'intrépide gamine fait pivoter la bûche et soudain la replace en poussant un cri de fureur. « Andrés, il revient, là, tout près, à cheval !» Juana pâlit, se raidit comme pour recevoir un choc, et répond avec fermeté, bien que sa voix tremble. « Laissons donc la destinée s'accomplir. » Un galop précipité se fait entendre. Un peloton s'arrête devant le log house. Andrés saute à terre, tire le verrou, et sans même enlever la poussière qui le couvre, entre délibérément. Andrés salue, et voyant la pâleur de la jeune fille, lui dit avec une douceur hypocrite « Êtes-vous souffrante et ma vue vous a-t-elle effrayée, señorita ?»« Que vous importe ?» dit-elle d'un ton glacé. « Il m'importe beaucoup, señorita, car je vais vous faire une communication très importante et qui ne souffre aucun retard. Je suis prisonnière et forcée de souffrir votre présence. » Andrés a un sourire livide, une sorte de rictus de félin, plus effrayant cent fois qu'un éclat de colère. Ces gens de la zone torride, que l'on dirait pétris de lave et de feu, savent à l'occasion garder un sang-froid terrible. Andrés salue de nouveau, puis s'assied gravement. Il tire de la poche intérieure de sa veste une sorte de portefeuille et l'ouvre. Il en extrait un tissu en coton jadis blanc et maintenant jauni, puis le déplie avec précaution au-dessus de la table. C'est un mouchoir sur lequel sont tracées en rouge pâle des lignes bizarres. Cela forme des carrés, et communiquant les uns avec les autres par deux de leur côté. Une ligne sinueuse en traverse un certain nombre, va, vient, tourne et repart, pour revenir sur elle-même et aboutir finalement en un point marqué par une grosse tache rouge. « Savez-vous, señorita, dit Andrés, ce que c'est que cet humble chiffon ?» La jeune fille hausse imperceptiblement les épaules, pendant que Flore retire doucement son couteau de sa jarretière, prête à bondir sur l'intrus et le poignarder. « En vérité, vous n'êtes point curieuse. » « Vous le saurez pourtant. C'est un plan. C'est tout ce que m'a laissé en héritage mon père, Don Andrés Romero, le beau-frère de notre président Juarez. Et cela vaut 120, peut-être 150 millions. Ces lignes, tracées avec du sang et demeurées indélébiles, indiquent la place où se trouve caché le trésor des anciens rois aztèques. Et cette autre, qui semble une piste, donne la direction à suivre pour arriver à ce fabuleux entassement de richesses. Et comme la jeune fille demeure toujours impassible, sans un mot, sans un geste, sans un clin d'œil, il reprend. « Cela vous est indifférent, n'est-ce pas, señorita ? Mais vous serez intéressée tout à l'heure, je vous le jure. Quant à toi, Flore, ma petite, n'essaie pas de jouer avec moi à ce jeu-là. Remets ton couteau à sa place, et sache bien qu'au moindre geste, je te ferai sauter la cervelle. » Ce qui priverait la señorita d'une compagne utile et dévouée. Je continue. Je possédais bien le plan, mais j'ignorais l'emplacement exact du nid de l'aigle, ainsi que la voie et les moyens d'y arriver. Or, un autre possédait ses voies et moyens, mais n'avait pas le plan, de telle façon que nous ne pouvions rien l'un sans l'autre. Et vous n'éprouvez pas non plus la curiosité de savoir quel est cet autre ? Rien, pas un mot, pas un signe chez la jeune fille. Eh bien, cet homme est pour moi l'ennemi héréditaire. Nos pères se haïssaient, et depuis quelques mois les circonstances ont fait de lui et de moi deux adversaires irréconciliables, deux êtres que sépare un abîme d'aversion et d'horreur réciproque. Il s'appelle Jean de Fer. Certes, oui, ce nom éclate aux oreilles de Juana comme un coup de carabine. Elle tressaille, son cœur bondit à rompre sa poitrine, mais elle ne veut pas donner au misérable la joie mauvaise de voir son émotion. Elle serre les dents pour étouffer un cri et demeure immobile comme une statue. Andrés reprend, et sa voix devient plus âpre, avec un je ne sais quoi de mordant et de cruel. La lutte commença entre nous et le succès devait appartenir aux plus habiles et aux plus heureux. Et je fus l'un et l'autre. Je venais donc d'échouer misérablement à l'hacienda, grâce à Jean de Fer qui amena cet Harry Jones et sa troupe de Yankees. La rage au cœur, je l'épiais de jour, de nuit, sans relâche, pour le tuer, quand il partit brusquement avec Joey Mousqueton et s'enfuit d'une traite jusqu'à Raralito. Je l'ai suivi pas à pas avec des compagnons dévoués. Et un soir, je crus enfin arriver le moment d'assouvir ma haine. Pieds nus, respirant à peine, je réussis à me coller le long d'une fenêtre de la maison qu'il occupait. On causait, j'entendais tout. Ah, la confidence que je surpris valait 100 fois, 1000 fois, le coup de carabine que je n'envoyais pas à Jean. Une femme, sa nourrice, révélait à Jean de Fer l'existence du trésor, le lieu où il se trouve et les moyens d'y arriver. Ainsi, un hasard prodigieux me rendait maître du secret juste au moment où il devenait le sien. Jean et Joey partaient sans retard à la conquête du trésor. Il me fallait les gagner de vitesse et leur faire perdre ma piste. J'y arrivais sans trop de peine grâce aux amis que j'ai dans la région et qui furent des auxiliaires dévoués autant qu'habiles. Oui, tous nous aidèrent jusqu'aux chasseurs de crocodiles qui nous recueillirent sur les eaux de la lagune et nous transportèrent en pirogue. Ma trace enfin perdue, je pus, de poursuivi, devenir à mon tour poursuivant, et je n'y manquais pas. Je retrouvai la piste de Jean et de Joey qui arrivaient à cette Sierra del Palo, où est caché depuis des siècles le trésor. Je fus patient, oh oui, patient comme la haine, et cette vertu suprême de l'homme vraiment fort fut récompensée. Collé comme un limier au pas de mes deux ennemis, je les vis grimper à ce nid de l'aigle que chantent nos vieilles légendes et dont la recherche a déçu tant d'intrépides aventuriers. Par le Dieu vivant, ils découvrirent le trésor, cet amas prodigieux, colossal, vertigineux de richesses. Andrés, dont les yeux flamboient et dont le corps frémit, s'arrête un moment, puis cherchant des yeux le regard de Juana, il reprend d'une voix mauvaise. « Et ce trésor n'a plus qu'un seul maître aujourd'hui. Entendez-vous, señorita ? Ce trésor, qui fait de moi l'égal des plus opulents, est à moi, rien qu'à moi, Andrés Romero. Puisque Joey Mousqueton est disparu et que Jean de Fer est mort. » À ces paroles affreuses, Juana tressaille jusqu'au fond de son être et se redresse, hautaine, devant le misérable. Flore bondit vers lui, crispée, furieuse, et s'écrie « Tu mens, car Joey, mon Joey, t'aurait tordu le cou comme un poulet maigre. » « Oui, vous mentez !» ajoute d'une voix stridente Juana. « Prétendez, si vous l'osez, que le taureau sauvage a été mangé par le chien des prairies, que le léopard a été battu par le coyote, ou que l'aigle royal a été mis en fuite par le hibou. Mais ne venez pas nous dire que Jean de Fer a succombé devant un Andrés. Il est de ces choses qui dépassent par trop le but. Et ne pouvant plus être tragiques, elles deviennent bouffonnes. Au lieu d'épouvanter, elles provoquent le rire. » Et les deux jeunes filles, comme si cette affirmation d'Andrés était vraiment d'un comique achevé, partent d'un grand éclat de rire. Et ce rire mordant, nerveux, cingle comme un soufflet le métis abasourdi. Il pince les lèvres, serre les dents, et son visage de médaille antique semble s'infiltrer de bile. Il se lève gravement, croise les bras, regarde Juana d'un air de défi et ajoute Riez donc, señorita. Riez aussi, toi, la sauvagesse, oui. Riez de toutes vos forces. Il y a de quoi, je vous le jure. Du reste, rira bien qui rira le dernier. Au plaisir de vous revoir bientôt. Et toujours gai. Il fait un grand salut, ironique et cérémonieux, sort, verrouille soigneusement la porte et s'en va, avec ce fracas d'éperon qui scande la marche des Mexicains. « Oh, le menteur, le menteur !» s'écrie Flore indignée. « Mais aussi, comme tu lui as fait rentrer sa vantardise dans la gorge !»« Oui, une satisfaction que je n'ai pu nous refuser. Mais ce ne sont là que des mots. »« Oui, je comprends, il faut fuir. Quand ?»« Tout de suite. Il rentre fatigué et furieux. Il va manger, se reposer. Nous avons peut-être un quart d'heure de répit. Partons. Moi, je ne demande pas mieux. Tu sais, j'étouffe ici. » Il me faut de l'air, du soleil, et surtout la vengeance, et le salut de ceux que j'aime. Pendant ce rapide colloque, Flore a fait de nouveau glisser le rondin remis en place à l'arrivée d'Andrès. Elle regarde à droite, à gauche, en face, partout. C'est le moment de la sieste ou du travail. Elle ne voit rien de suspect, du moins dans le voisinage immédiat. Il y a quelques hommes allongés là-bas du côté de la plaine. Plus près, devant un log house, deux chevaux sont attachés. « Si nous pouvions arriver jusque-là et leur sauter sur le dos !» s'écrie Flore en montrant les chevaux. Elle fait glisser le deuxième rondin et démasque ainsi l'ouverture. Elle s'y engage intrépidement, s'allonge sur le sol, demeure courbée et dit à Juana « Vite, à ton tour, suis-moi » Sans hésiter, la jeune fille imite sa vaillante compagne. La voilà hors de la maison de bois, regardant le lieu où sont enfermés ses parents, voulant et n'osant leur crier un mot de tendresse, pendant que Flore s'oriente pour diriger leur fuite. L'Indienne lui montre l'Occident et ajoute « Viens, c'est là qu'il faut aller. » Elle s'élance éperdument pour gagner les roches peu éloignées et parcourt environ 150 mètres. Déjà, elle se croit sauvée quand tout à coup retentissent des clameurs ponctuées de coups de feu. « Alerte ! Les prisonnières s'enfuient !»